sur la vitre. Un jour je serai libre, tracé par un enfant, né par un jour de vent, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Sous l'oreiller, des rêves de l'oubli. Sur la porte fermée, le regard qui s'arrête. Et de l'autre côté, un enfant qui s'entête. On se sent tellement bête. On se sent tellement bête. Quand on a pour lui dire la vie, la mort, l'amour, que nos larmes et nos rires, nos mots de tous les jours, pour lui dire que demain vient parfois bien trop vite, hier est déjà loin, aujourd'hui est en fuite, illusion sans limite, illusion sans limite. Hotel.